Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Marc Chaunet et Michel Bilodeau avec vous ce soir. Et on commence avec une nouveauté qui a été lancée hier. C'est le groupe américain, californien même que je dirais, Isobar. Un groupe qui a été mis sur pied par d'anciens musiciens de Métaphore. Et on pourrait peut-être un peu simplifier les choses en disant que c'est Métaphore sans chanteur, mais ça serait pas tout à fait juste parce que musicalement, il y a quand même des différences. Mais vous comprenez que finalement, Isobar propose des albums entièrement constitués de pièces instrumentales. Ce soir, on vous propose un premier extrait de ce tout nouvel album. La pièce a pour titre Rational Anthem. Et puis, par la suite, on se dirige en Italie avec Baroque Project. Et oui, l'excellent Time Voyager. Un nouvel extrait, c'est la pièce Lonely Girl. Et puis, suivra, Marc, une autre nouveauté, cette fois-ci en provenance d'Allemagne. En effet, il s'agit de la formation Argos et leur plus récent album Halfway Between Heaven and Mirth. C'est leur 7e en carrière, leur premier était paru en 2009. Il comporte la collaboration de plusieurs musiciens bien connus tels que Andy Tillison de The Tangent. On aura pour vous ce soir la pièce Frigidity Philip et ce sera suivi de la formation italienne Celeste qui a débuté en 1972. Ils s'étaient séparés en 1976 et ont repris du service en 2019. C'est maintenant leur 7e album en carrière qui est paru cette année, qui a pour titre « Echo di un futuro passato ». On aura pour vous ce soir la pièce « Pigmenti ». Et comme vous disait Michel, on débute avec la nouveauté de la formation américaine Isobar. Bonjour, c'est Malcolm Smith d'Isobar. Et vous écoutez Terra Incognita en direct de Québec. We'll be right back. Oh, Terra Incognita se poursuit avec Marc Chonnet et Michel Bilodeau. Pour cette nouvelle demi-heure, on donne le coup d'envoi avec une formation italienne qui a effectué un retour sur disque. Il s'agit de NTT. Le groupe avait présenté un premier essai en 2013, Il Falso Centro, et puis Silence Radio, et heureusement, les voici de retour avec Il Naufragio della Speranza. Et ce soir, on vous présente la pièce Dérealizzazione. Et puis de Belgique, Mind Games, un extrait d'un nouvel album qui a pour titre Spirals in the Wider Space. Si NTT est de retour après 11 ans d'absence, et bien dans le cas de Mind Games, il s'est passé 9 ans entre Paradox of Choice, paru en 2015, et le Spirals in the Wider Space. Ce soir, on vous présente comme extrait la pièce Interlude. Et puis Marc, pour faire suite, on se dirige du côté de l'Allemagne. En effet, avec un musicien très prolifique, on parle ici de Chris Engels et de Sand Project, second album paru en 2024. Celui-ci a pour titre The Story of Enya. Et pour vous ce soir, on aura la pièce The Rescue and the Moonstone Dragon. Et ce sera suivi de la formation française SSB Sloan Square Band avec leur excellent album Thoughts. C'est une formation qui avait débuté dans les années 70 et n'avait pas endisqué à ce moment-là. Cet album comporte entre autres des musiciens qui ont joué avec la formation Pink Floyd, soit le bassiste Guy Pratt ou Guy Pratt, et c'est le projet de Claude Ségalin. Alors pour vous ce soir, on aura la pièce Hiroshima, et comme vous le disait Michel, on débute d'abord ce bloc musical avec la formation italienne Entity. carica di sguardi. We'll be right back. the sky, a blinding flash, a fiery storm, tempest of madness. Broken dreams like dust in the wind, innocence lost, nothing left, just shadows. Haunting sounds of darkness from the ashes. The silence, let it be, Hiroshima. Whisper on the wind like the voice of a child. Rise from the ruins, seeds of forgiveness. Stronger now, pain begins to heal. Scars will remain, memories forever. Haunting sounds of darkness from the ashes. The silence, let it be, Hiroshima. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Dans le prochain bloc musical, on aura entre autres la formation italienne Corte Olica. Et c'est une pièce qui apparaît sur l'album Dante Inferno de Divine Comedy Part 1, paru en 2008. La formation n'a fait paraître qu'un seul album en 2007. Sainte, mais ils ont également contribué à quelques projets de la maison Colossus, tels que celui-ci. Alors, on aura pour vous une pièce instrumentale qui a pour titre « Dissolvenza ». Et pour débuter le bloc musical, Michel, une formation de la Russie. Oui, tout à fait. Il s'agit de Little Tragedies, un groupe qui a été formé dans les années 80, mais qui n'a présenté son premier album qu'à la toute fin des années 90, en 1999. Depuis, on peut dire que cette formation n'a pas perdu de temps, puisque pas moins de 16 albums figurent à sa feuille de route maintenant, et le plus récent a été lancé en 2023 sous le titre de Don Quichotte, et c'est un extrait de cet album qu'on va écouter. C'est la pièce Armageddon, une pièce épique de 18 minutes qui se divise en trois parties, et c'est ce qu'on écoute à l'instant. Закрыты веки и уходят в моря. Реки чистый образ, рожден в закатах, снегами сжатых века. Дальние звоны парит птица под шептанье ветра, совсем не спится, сонные травы туман укроет, и след гранитный волна не смоет. мгновенья, и сверкают в небе огни. Звенья запоют песни в полях метели, и звон капели ворвется в двери. Thank you. Dans le prochain bloc musical, on aura entre autres la formation du Royaume-Uni Curved Air. Et ce sera un extrait de leur album North Star, paru en 2014, où ils revisitent une pièce qui paraissait sur le second album qui était paru à l'origine en 1971. Alors, on parle ici de Young Mother. Et pour débuter le bloc musical, Michel, une excellente formation américaine. Oui, une formation du New Jersey qui a pour nom de Tea Club. Et on a eu d'ailleurs l'occasion d'y recevoir, il y a plusieurs années, dans le cadre du festival Terra Incognita. À cette occasion, le groupe s'était produit à deux reprises. Il y a la deuxième n'était pas tout à fait prévue. C'était un concert surprise qui s'était rajouté de RPWL. On avait booké le groupe le lundi après-midi, après le festival, et The Tea Club était resté pour ouvrir pour ce show hommage à Pink Floyd. Ce soir, on vous présente un extrait du second album paru en 2010 qui a pour titre Rabbit, et on écoute la pièce Escrow. Somebody said late at night, when it rains, that you can hear dreams of the world. But when it rains, I dream of the spiders in the corners of my janitor's closet. Keys to move with the wind that is back up before. We'll be right back. is left is quiet sleep. You were there to remind me as I walked through the door. Everything stepped out of place. The home with no memory. Oh. conclure l'émission de ce soir, on a retenu une formation cubaine, et ça, c'est peu courant. Il s'agit de Synthesis, qui, en fait, a été le tout premier groupe de rock progressif cubain. On va avoir un extrait de l'album En Busca de Una Nueva Flor. C'était Marc Chonet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. On vous donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour un autre bon 2 heures de rock progressif. Restez à l'écoute, l'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL. Una vieja sed, la poesía. Resultó que la luna y el sol trenzaron sus cuerdas, cobrando vida cada sonido, tornándose color. Quedando al viento en un espacio imperceptible,